Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Bienvenue dans la mécanique des ondes, l'émission qui raconte la radio sur fréquence protestante durant trois quarts d'heure à travers le parcours des personnes qui font vivre la radio. Et parce que c'est la première mécanique de 2020, et bah, une bonne année pleine de bonnes ondes à vous tous et à vous toutes. Le réveillon est souvent synonyme de fête, hein, pour beaucoup. Et la fête, et bah, elle peut se prolonger en allumant la radio pour une fête géante. Fête géante, vous saisissez, hein? Radio FG, bien sûr, parmi elles, une radio électro à l'évolution grandissante. Et pour en parler, qui de mieux que son mécanicien en chef? Vous l'avez sûrement deviné, mon invité se nomme Antoine Baduel. Bienvenue à vous. Bonjour Eddy. Alors, fête grandissante, FG, hein, j'aurais pu aussi dire fille et garçon ou fraise en gélatine. Hein, elle a eu de nombreuses significations tout au long de son good. Existence. Pour l'instant, en tous les cas, et je pense pour un certain temps, en tous les cas, FG, c'est feel good. Et c'est déjà pas mal parce que ça dit en tous les cas ce que c'est, l'état d'esprit de la radio, de la musique, de l'équipe et de ce qu'on veut partager et avec nos auditeurs et avec la musique qu'on joue. Et FG a une histoire vraiment très riche. Passionnant, ah, ça, c'est sûr. Qui a évolué avec la musique électronique en même temps. Exactement. Et on va en parler, mais on va commencer à parler de vous, Antoine. Je voudrais savoir, nous sommes actuellement au micro d'une radio associative. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Ah ben évidemment que ça me rappelle des souvenirs parce que j'ai l'impression d'un retour aux sources. Parce que d'abord, moi, la première fois que j'ai parlé sur dans un micro de radio, c'était sur une radio associative. À l'époque, c'était dans un château de Thierry, dans la ville où j'avais grandi. Et c'est marrant d'ailleurs parce que c'est une radio associative qui existe toujours sur Internet aujourd'hui, qui s'appelle Radio Aline. Ils ont continué en tous les cas le truc. Et puis moi, c'est un média qui m'a toujours fasciné. Je pense que j'appartiens à une génération, celle qui a eu 10, 15 ans au moment de la libéralisation des ondes, de la FM. Et on a tous eu à un moment ce rapport à la radio qui était un rapport de liberté, de musique, de création. Et moi j'ai eu cette chance, c'est que j'entendais toutes les radios parisiennes et très très vite je me suis forgé comme ça mon imaginaire artistique avec toutes ces radios. Et alors, lesquels, par exemple, de radio, lesquels vous ont marqué plus que d'autres? Moi, je pense qu'il y en a une qui m'a précise beaucoup, beaucoup marqué, certainement parce que je commençais à avoir, j'étais plutôt adolescent, c'est maximum. C'est une radio, en tous les cas, qui a marqué une génération. Quand on regarde, d'ailleurs, avec le recul, c'est marrant parce que c'est une radio qui a dû durer, je crois que c'est la radio qui a eu la plus courte longévité, 2 ans et 3 mois. C'est ça. Elle a démarré au mois d'octobre 89, elle a fini au mois de janvier, le 5 janvier 92. Donc, 2 ans et 2 mois, et je pense que c'est incroyable d'avoir autant marqué une génération, une culture en si peu de temps. Et évidemment, c'est la première radio qui a amené la dance music en France et au monde, en fait. Et la preuve qu'elle marque encore les esprits, aujourd'hui on en parle encore. Et on va encore sur Internet, beaucoup en parler en cas, d'ailleurs, oui. On en parlera tout à l'heure. C'est ça, exactement, teasing. Teasing. Alors pour en venir à l'histoire de la radio associative, bah évidemment FG à la base c'était une radio associative. Et avec toute la liberté et l'effervescence que ça pouvait avoir au tout début des années 90. Et effectivement, oui, à l'époque, moi quand je suis arrivé à FG et que j'ai vraiment fait, alors là pour le coup, mon premier micro, mes premières émissions et le premier format, c'était sur une radio A. Comme on disait à l'époque à Paris, avec tout le côté effervescent underground aussi que ça pouvait avoir, parce qu'il n'y avait que sur ces radios qu'on pouvait trouver les musiques électroniques, la techno, la house et la musique qui est devenue la ligne directrice de Radio FG. Et vous vous souvenez de vos premiers micros, vos premières émissions? Oui, je m'en souviens bien, ouais. C'était très très drôle. Mais il y avait pas mal de choses. Bon, l'histoire de FG, c'est aussi que à la base FG était une radio communautaire, c'était la radio de la communauté gay en Île-de-France. Donc il y avait un certain nombre de d'émissions parlées, puis il y avait aussi un certain nombre d'émissions musicales. Et puis au milieu des deux, il y avait aussi les bons plans pour sortir, pour cluber et tout ça. Et je me souviens que mon tout premier micro, ça a été celui de donner les bons plans des soirées. Bon, je pense que ça a créé ensuite une certaine vocation. En tous les cas, je me suis plutôt bien pris au jeu. Mais ouais, c'est des très très beaux souvenirs parce que à l'époque, il faut savoir une chose, c'est que l'électro, je dirais pas que c'était une musique interdite, mais en tous les cas, c'était une musique diabolisée. Il y avait que sur Radio FG qu'on pouvait l'entendre. Il n'y avait aussi que dans certains endroits qu'on pouvait l'écouter. Ces endroits, ils étaient très régulièrement fermés. Les fêtes était interdite. Et moi, à l'époque, j'habitais en Allemagne et en France. J'étais entre les deux parce que je faisais mes études. Et c'était assez invraisemblable parce que d'un côté, la techno et la house, c'était la musique de la réunification, de la chute du mur de Berlin, de la Love Parade, de la liberté, de l'Europe qui était en train de se construire, de toutes les utopies qui allaient avec. Et donc, c'était un ciment entre deux générations, entre, pardon, deux jeunesses de l'Est et de l'Ouest qui se rencontraient et qui ne se connaissaient pas. Et à côté de ça, en France, c'était très, très diabolisé, c'était très caricaturé, stéréotypé. Et tout le travail qu'on a mis en place avec FG à l'époque, avec Henri Morel, qui était le président fondateur de FG, ça a été justement de travailler et d'œuvrer pour que cette musique soit dédiabolisée. Et on a fait beaucoup d'émissions en ce sens sur FG, c'est-à-dire à la fois avec les artistes pour les faire connaître, mais aussi avec les pouvoirs publics pour jouer un rôle de médiateur et pour faire reconnaître et connaître cette musique. Et pour mettre en forme justement FG telle qu'elle était à ce moment-là, est-ce que vous êtes inspiré un petit peu de ce qu'il y avait de ce que vous écoutiez en Allemagne, par exemple? Alors, étonnamment non, parce que il n'y avait pas de radio qui jouait cette musique en Allemagne. Les radios en Allemagne étaient très, très, très formatées, extrêmement commerciales. C'est un peu le paradoxe en Allemagne, c'est-à-dire que autant c'était un phénomène générationnel, mais c'est une musique comme en Angleterre, qui s'écoutait dans les clubs, il pouvait y avoir de très bonnes émissions spécialisées sur des grosses radios, mais il n'y avait pas de radio dédiée à cette musique. Non, FG, c'est vraiment un format qui s'est inspiré de la scène et de la ville dans laquelle cette radio s'est construite. C'est ça qui est très original avec FG. Je pense que la techno et la house, c'était unique en Europe. En Espagne, il y avait le phénomène d'Ibiza. En Belgique, on parlait de la techno belge. En Angleterre, le phénomène du clubbing était un phénomène générationnel lui aussi, avec des lieux comme Ministry of Sound, tout ça, qui sont devenus des références qui existent toujours aujourd'hui. Et à l'époque, à Paris, c'était un peu le blackout. Il y avait beaucoup, beaucoup d'interdictions de soirée. La préfecture ne les donnait au compte-gouttes et quand elle les donnait, elle pouvait être retirée au dernier moment. Et c'est une musique qui n'avait pas la possibilité de s'exprimer. Et du coup, sur FG, l'idée, ça a été vraiment d'imaginer un format, une radio libre, parce que aussi associative, et les 10 premières années d'FG ont été associatives, et je pense qu'elles ont permis cette liberté-là, cette liberté d'expression, cette liberté d'audace aussi de tenter des choses. Et en fait, ça a été vraiment un format qu'on a construit de toutes pièces, avec des passionnés, avec aussi, donc à l'époque, avec Henri Morel, avec Jean-Yves Leloup, qui était le rédacteur en chef de la radio, avec des gens comme Michel Pilot, Frédéric Jalep, Sylvain Ferré, qui avec lesquels on a imaginé le format de ce que devait être la radio, qui était le porte-parole, le flagship, comme on dit, de cette scène musicale. Alors, quand vous parliez de vos études, sans indiscrétion, c'était des études de... Alors, moi, j'ai fait une école de commerce. C'est ça. Et j'ai fait une école de commerce et moitié en France, moitié en Allemagne. C'est ça, parce que dans ma tête, je me suis dit, est-ce que ça faisait le lien avec justement ce que vous aviez apporté à Radio FG par la suite. En fait, mon rêve, c'était d'être journaliste. Et mes parents me disaient, non, il faut vraiment que tu fasses une école de commerce parce que bon, journaliste, c'est que bon, fais quand même une école de commerce. Après, tu verras. Et en fait, l'école de commerce, ça m'a, je pense, permis de vraiment donner en tous les cas de créer le modèle économique qui a permis à cette radio de passer les années, les décennies, les périodes, les embûches et surtout de créer un modèle économique qui lui a assuré son avenir. Et du coup, FG à l'époque déjà donnait la parole et une tribune à de nombreux DJ, parmi bien eux sûr. Certains qui ont évolué bien par la suite avec une bonne notoriété, Daft Punk, David Guetta, Bob Sinclair, pour ne citer que. Ils ont tous commencé à la radio. Et alors, comment vous les repériez justement à cette époque, dans les années 90? Alors, au-delà du repérage à l'époque, il faut savoir que FG, c'était un peu une espèce de combiné, de combo, comme on dit, entre une radio, une MJC, une maison des artistes et une SMAC, une salle de musiques actuelles, c'est-à-dire un lieu où tous les artistes se retrouvaient parce qu'il n'y avait pas d'endroit où justement les artistes qui étaient vraiment appartenaient à la scène électro pouvaient avoir un point de chute aussi bien sur lequel ils pouvaient s'exprimer. Alors les artistes s'exprimaient, c'est-à-dire qu'ils pouvaient mixer en tant que DJ, mais ils pouvaient également s'exprimer au micro pour présenter leur travail et se faire connaître. Et en parallèle, évidemment, on venait à FG parce que à l'époque, les morceaux n'étaient pas signés. C'était vraiment ce qu'on appelait de la musique underground. Donc, c'était des vinyles qui étaient pressés avec un nombre de copies qui allaient entre 500 et 5000. Et le tout, c'était de s'échanger les vinyles pour que les DJ puissent les jouer. Donc, FG était un peu cette espèce de hub incroyable qui semble un peu... ça peut sembler lunaire aujourd'hui, mais c'est normal. La musique, aujourd'hui, on l'échange par Internet. Donc, la notion d'underground... elle n'est pas du tout la même qu'à l'époque. Aujourd'hui, une musique est underground quand elle n'a pas encore percé, mais elle est disponible. À l'époque, c'était la disponibilité même de la musique qu'il fallait trouver. Il y avait les boutiques de disques, il y en avait un certain nombre à Paris, et puis il y avait FG. Et preuve que la plupart de certains de ces DJ n'ont pas oublié d'où ils viennent. Hein. Certains sont encore résidents aujourd'hui dans, à l'antenne. Bien sûr. David Guetta, tous les samedis soirs à minuit. Bob Sinclair, tous les vendredis soirs à minuit. Joachim Garraud également. Et puis surtout avec tous les artistes, on a gardé des relations extrêmement extrêmement étroites. Hein, des Daft Punk en passant par tous les artistes de la scène house et électro française. De la deuxième génération aussi. Oui, FG est resté, je pense, la marque iconique de cette génération et de cette scène. Alors, on parlait de Daft Punk, justement, c'est votre premier choix musical, Antoine Baduel. On reste dans cette époque avec ce qui fut leur plus gros tube. Et celui, surtout, qui les a propulsés, c'est-à-dire on est en 95, et je pense que là, pour la première fois, on se retrouve avec des maisons de disques qui se rendent compte qu'il y a des morceaux qu'il faut signer, qu'il y a un potentiel. Sort l'album Homework des Daft Punk avec ce fameux morceau qu'on va s'écouter tout de suite, et vous allez le voir. Là, c'est le succès mondial qui arrive avec ce morceau qu'on joue pendant un an sur FG Around the World. C'est ce que je disais hors antenne à Antoine Baduel, notre invité de la mécanique des ondes. Justement, ce morceau, Around the World, de Daft Punk, ça a été aussi mon tout premier contact vraiment dans ma jeunesse avec la musique électronique. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai choisi, parce que, en fait, pour moi, ce morceau, il marque un tournant. C'est-à-dire, il sort en 95. D'abord, il y a un point qui est très, très important. Les Daft Punk, au départ, cherchent une maison de disques, n'en trouvent pas. en France, on signe pas quand même des artistes français de quand on est un label français. On en était là à l'époque. Et c'est un label en fait anglais qui les signe. Et c'est par le fait que le morceau arrive en import en France que Virgin Records à l'époque, donc devenu ensuite EMI, le signe et ça devient un triomphe mondial. Et c'est ce morceau qui a été vraiment le breakpoint, comme ça, le morceau tournant qui a permis de faire émerger. Mais à l'époque, les DJ français étaient signés sur des labels anglais en général ou belges et c'était le moyen pour eux d'arriver en import parce que si c'était français c'était moins bien vu. Là vous m'apprenez un truc. En tout cas Antoine Baduel dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante pour aborder Radio FG. C'est un vrai plaisir de vous avoir dans cette émission. Nous étions donc en 1995, on va y rester en essayant de définir ce qu'était Radio FG à l'époque, mais pour en parler, rien de mieux que d'écouter ce que vous en disiez à cette époque. C'est une radio qui émet sur Paris Île-de-France, 24/24, qui est très axée sur la techno, la house music. C'est une radio qui est très musicale, qui est axée également sur tout ce qui est city à Paris, sur tout ce qu'on peut faire à Paris aussi bien au niveau des sorties, que du ciné, que des expos, que de tout ce qui bouge un petit peu d'une manière générale à Paris, de la mode aussi, puis un petit peu des tendances en général. Et puis c'est aussi une radio qui est pas mal engagée au niveau de la prévention sida auprès des jeunes et auprès des joueurs, des Français en général. L'analyse de l'offre musicale fin 90, début 91, permettait d'identifier un frémissement du côté d'un nouveau style de musique très urbaine et très, entre guillemets, branché, qui secouait un petit peu, qui était la techno. Moi, je ne savais pas ce que c'était que la techno, mais on m'a convaincu, notamment les DJ m'ont convaincu que c'était porteur. Et comme dans les boîtes de nuit, j'ai vu que le mouvement a pris tout de suite, une petite étude de marché faite au niveau européen américain m'a convaincu qu'il y avait là une possibilité. Donc c'était Henri Morel qu'on a entendu donc à l'instant. C'est histoire de rendre aussi un petit hommage puisqu'il nous a quitté il y a maintenant quelques années. C'était en 2011 je crois. Exact, ouais, ouais. Absolument. Mais ça me fait d'ailleurs ça me touche d'entendre Henri en parler parce que c'était vraiment ça. C'est-à-dire on a senti ensemble qui avait ce frémissement. On a eu la chance en plus d'avoir de très très grands talents qui nous ont rejoints à la radio pour mettre en place ce projet. Je pense évidemment à Didier Sinclair qui lui aussi nous a quitté il y a plus de 10 ans maintenant, mais avec lequel on a imaginé justement ce que devait être la radio au service de cette scène, parce que faire une radio c'est une chose, une radio au service d'une scène c'est une autre chose, mais quand cette scène est naissante c'est un défi. Parce que elle est surtout l'électro, la house, la techno, qui s'exprimait non plus dans des salles de concert, mais dans des clubs. Ça, c'était quelque chose de révolutionnaire à l'époque. Jusque-là, on allait voir des artistes dans des salles de concert. Là, on allait les voir dans des clubs, et ces lieux étaient vraiment les lieux d'expression de toute une scène musicale. Et c'est ce qui nous a vraiment convaincus, effectivement, de faire d'FG ce qu'elle est toujours aujourd'hui, c'est-à-dire une radio de découverte musicale. Et alors, en matière de découverte musicale, donc la playlist y joue beaucoup aussi. Moi, je voulais savoir, quand vous recevez un titre ou une découverte, un nouveau talent, est-ce qu'ils doivent respecter certains critères pour être en playlist sur FG? Alors déjà, la manière, alors je vais pas rentrer dans les secrets de fabrication, mais aujourd'hui, on doit recevoir à peu près, alors déjà, moi, à titre personnel, je reçois entre 150 et 200 titres par semaine. Ah oui. Par semaine. Je répète bien, je n'ai pas fait de lapsus, par semaine. Ensuite, la radio en reçoit à peu près, grosso modo de la part des maisons de disques, autant. Puisque ce que je reçois en général, c'est plutôt des artistes indépendants, de l'underground, des labels. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est hors label. Les maisons de disques nous envoient à peu près le même volume. Et surtout, on a, à Radio FG, pris le parti d'avoir un directeur artistique qui est Hakim Akli, qui lui fait à l'inverse de la recherche de son côté, c'est-à-dire il va sillonner en permanence les blogs des artistes, leur Mixcloud, Soundcloud, leur page sur Spotify, vraiment pour en permanence diguer. Et puis les artistes évidemment eux aussi viennent vers nous. Donc je pense qu'en général quand on fait la réunion hebdomadaire d'écoute, on part au départ avec 200 à 300 morceaux qui sont playlistables. Et c'est là qu'on écrème petit à petit pour arriver en permanence sur les morceaux qui nous semblent être les plus intéressants, les plus créatifs, ceux sur lesquels il peut y avoir justement la possibilité de pousser un nouveau talent, parce que c'est ça le rôle de Radio FG, c'est celui-là aussi que ça a toujours, c'est ce rôle-là qu'elle a toujours porté en fait, c'est vraiment d'être une radio qui révèle les talents français et européens. Et FG, alors on va aborder maintenant la marque qui se développe aussi à l'international. Alors, par exemple, durant les dernières années, il y a eu Anvers, en Belgique. Et il y a toujours, d'ailleurs. Il y a toujours. Il y a Berlin. Alors, Berlin, on a arrêté. Ah, parce qu'en fait, alors, non, en fait, il y a, donc, en fait, à Anvers, c'est parce que la radio, maintenant, s'appelle FG Xtra. C'est-à-dire que, en Belgique flamande, il fallait avoir une radio FG qui soit, d'un côté plus commerciale. Donc, on a fait une FG qui, va candidater sur des fréquences en DAB, qui aura une mission peut-être un petit peu plus mainstream. Et là, l'idée, c'était d'avoir à Anvers une radio vraiment qu'on puisse intégrer dans le bouquet des web radios, qui soit vraiment un élément à part entière de notre offre, pointue, underground. Et c'est pour ça que la marque FG Xtra, c'est ce qui nous permettait à la fois d'avoir une radio FM à Anvers qu'on puisse intégrer aussi dans le bouquet des web radios parisiennes. D'accord, vous faites bien de le préciser. Mais alors du coup, moi, ce que je voulais savoir, c'est comment ça se prépare le développement, l'implantation d'une marque FG à l'étranger. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Chaque pays, chaque ville est une situation spécifique. Avec sa culture, je suppose. Avec sa culture. En Belgique, il y a deux régulateurs, il y a deux CSA. Il y en a un pour l'espace néerlandophone, donc flamand, un pour l'espace francophone, FG est néerlandophone en Belgique, à Anvers, donc c'est une radio qui est vraiment une radio pointue, d'ailleurs vous pouvez l'écouter sur le bouquet des web radios d'FG, hein, c'est FG Xtra, et elle propose vraiment un programme de découverte. Dans chaque pays c'est compliqué, à chaque fois c'est une spécificité à part, l'Allemagne a ses spécificités, tous les pays européens ont la leur, je pense que pour celles et ceux qui ont envie de créer des radios, évidemment le DAB ouvre des perspectives extrêmement intéressantes. C'est aussi des coûts, c'est aussi d'une commercialisation. Il faut pas oublier qu'après, au-delà de la passion, il y a des coûts de diffusion, on le sait tous, ouais. Et que faire une radio, c'est aussi beaucoup beaucoup de temps et de moyens, et il faut faire des choix. Alors, on a parlé de Radio FG, de Antoine Baduel, l'entrepreneur. Maintenant, il y a Antoine Baduel, l'animateur, et également, oui. puisqu'on vous retrouve chaque fin de journée dans l'émission Happy Hour. C'est ça. Une émission dans laquelle vous faites presque une interview quotidienne, hein, je crois. Il y en a deux. Quasiment. Il y a deux interviews par jour. Il y en a eu trois, je crois, les 10 premières années. On est passé ensuite à deux. Et maintenant, il y a très clairement une interview avec un format long à 19h. Et ensuite, l'interview d'un DJ suivi d'un mix live à partir de 19h30. Donc tous les soirs, deux invités, vraiment autant des invités qui peuvent être un panorama très très large de la création, avec un parti pris évidemment musical, mais même sur la musique on peut être aussi éclectique et justement faire découvrir des facettes de certains artistes que on va pas jouer forcément sur FG ou qu'on jouera à travers des versions remixées, mais c'est toujours une belle occasion de faire de belles rencontres et d'échanger avec des gens. Et d'un autre côté, eh bien avec les DJ, bah là ils sont à la maison, hein, c'est un peu là, c'est le FG Forever. Là, c'est vraiment les DJ qui sont tous les soirs en live et c'est le mix de 19h30. Et qu'est-ce qui vous a motivé justement à reprendre le micro du coup? Parce que je crois que c'était à partir de l'an 2000 hein, que vous aviez repris. C'est ça. Alors, oui. L'histoire de la reprise du micro, ça c'était j'avais fait pas mal de libre antenne dans les années 90 et puis j'étais passé à autre chose. Et en fait, c'est fin 99. Il se passe une chose, on est en septembre 99 et avec Henri Morel, on se dit, c'est pas possible, tout le monde se demande ce qu'il va faire pour le passage à l'an 2000. L'an 2000, qu'est-ce qu'on va faire pour le passage à l'an 2000? Il y avait des soirées qui foisonnaient de tous les côtés. Il fallait à la fois les annoncer, mais aussi il fallait dire lesquelles étaient bonnes, lesquelles ne présentaient pas un intérêt non plus extraordinaire. Donc vraiment avoir une sélection éditoriale. Et je me suis dit, pendant 4 mois, je pense qu'il y avait cette case de la... de qui historiquement s'appelait Happy Hour, qui était la case qui présentait les nouveautés musicales. Et je me suis dit, il faut vraiment qu'on la mette au service de la scène house, parce que y a trop d'événements qui se déroulent. Et en fait, j'étais parti pour faire ça pour 4 mois. Je suis sérieux. Septembre, décembre 99, on fait le passage à l'an 2000, après on tire notre révérence, et puis Happy Hour fera autre chose. Et en fait, tous les gens nous disaient, mais elle est super cette émission qui donne tous les bons plans pour sortir. On a toutes les soirées. Ça tombe bien parce que vraiment, on en manquait. Il nous fallait vraiment un repère pour avoir les bons plans. Et puis c'est bien d'interviewer les DJ quand même, ils viennent dans ton émission, c'est quand même super sympa parce que ça nous fait finalement découvrir des DJ, des artistes dont on connaît parfois pas le visage, on les a jamais vus, ça les humanise. Et ce mot-là, il a été vraiment important pour moi parce que c'est vrai que cette musique, elle avait ce besoin de s'humaniser. Elle était électronique, on la connaissait à travers des labels, des vinyles où finalement tout était très iconographique, très illustré. Et donc les DJ venaient et c'était devenu un peu le salon où on discutait, où on faisait connaître les artistes. Bref, de fil en aiguille, j'ai empilé pour jusqu'à la fin de la saison et jusqu'au mois de juin 2000 en me disant bon, je fais cette saison, puis je me suis pris au jeu et Happy Hour, ça fait 20 ans, c'est la 20e saison. Mmh. Voilà. Et avec la barre des 12 000 interviews faites. 12 000 interviews, exactement. Ça a été un très très beau souvenir puisque c'est Madonna qui a été la 12 millième. Donc ça a été un souvenir extraordinaire. C'était au mois de juin de l'année dernière, de 2019. Ça, c'est pas trop fatigant de combiner l'animation, les interviews et votre rôle de directeur. Et c'est là que j'ai pas besoin d'être motivé parce que c'est une passion. Je pense que, en fait, pour être très très clair, Happy Hour, c'est une passion et en même temps, je trouve que c'est extraordinaire quand on dirige une radio d'être en lien avec les auditeurs de la radio, avec les artistes qui font cette radio, et d'avoir un relationnel finalement forcément différent avec les équipes. À AFG, on est une vingtaine. Je pense qu'on n'aurait pas le même rapport si un tiers de l'équipe avec laquelle, de toute façon, qui travaille directement sur la Happy Hour, sur mon émission, était pas impliqué au quotidien, parce que de toute façon, on est sur le même bateau. On est obligé de délivrer chaque soir le meilleur de nous-mêmes, voire l'excellence, ça c'est ce qu'on aimerait, mais bon, il y a toujours, on peut toujours faire mieux et on peut toujours se surpasser, mais c'est ça Happy Hour, donc du coup c'est quelque chose de très atypique, mais moi je fais vraiment la part des choses. Quand je suis à l'antenne, je suis l'animateur, je suis Antoine Baduel, je suis vraiment avec le public, avec l'équipe, avec mes invités, et c'est vraiment, on est vraiment là pour donner le meilleur de cette scène musicale et la faire découvrir sous toutes ses facettes. Et très difficile à détrôner au ni oui ni non, soit dit en passant. Oui, alors ça après il y a de l'heure de vol, hein. Pareil, là c'est alors ce jeu le ni oui ni non, c'est effectivement un jeu télévisé ancestral des années je crois 70 ou 80. On l'a redécliné à la sauce FG, ça marche très bien parce que finalement c'est le ton FG qui prévaut et qui fait que, donc oui, on l'a FGisé. Voilà. Et visiblement, ça marche pas mal. En tous les cas, c'est surtout un très très bon moyen d'avoir un rapport quotidien et une interaction avec les auditeurs de la radio. Et ça, je trouve que c'est très très fort parce que le média radio, il a quelque chose d'extraordinairement magique. On est des voix, on ne nous voit pas, même si maintenant avec Internet, avec le Facebook Live, on nous voit de plus en plus. Néanmoins, on reste bien plus en retrait qu'un animateur qui, par exemple, officie à la télé ou sur YouTube ne l'est. Et il y a quelque chose du coup de très, je trouve, de très sensoriel entre l'animateur et son public, parce que tout cela n'est qu'intuitif. C'est pas un média qu'on touche, c'est pas un média qu'on voit, et nous-mêmes, on ne sait pas quand on rigole si vraiment on sort une blague qui fait vraiment que nos auditeurs partagent et éclatent de rire en même temps que nous, ou si au contraire ça fait plouf. Et ça, cette magie-là, je pense qu'elle est vraiment nécessaire quand il y a de l'interactivité, c'est quand même vraiment très fort. Oui, c'est important. C'est essentiel. On va faire une deuxième pause musicale maintenant, Antoine, avec alors votre deuxième choix, c'est Joe Smooth. Oui, alors Joe Smooth, Promised Land, parce que c'est le premier morceau qui m'a fait aimer la house music. Il est sorti à la fin des années 80, tout début des années 90, je crois que c'était 89 ou 90. Et surtout, les paroles sont des paroles très spirituelles. Et ça s'inscrit justement aussi dans un mouvement de la Christian House Music qui marche aussi aux États-Unis, parce qu'il faut savoir que beaucoup, beaucoup de chanteurs de house music aux États-Unis viennent du gospel. Donc, ont une inspiration très spirituelle. Donc, je trouvais que c'était très intéressant de le ramener dans cette émission. Donc, Joe Smooth et Promised Land. Ça pourrait tourner en playlist sur Fréquence Protestante, pourquoi pas Arnaud, qu'est-ce que t'en penses? Il valide. C'était donc Joe Smooth, Promised Land. À l'instant. Exactement, un des premiers hymnes de house music, parce qu'il faut savoir quand même une chose, c'est que la house music, on parle beaucoup de sa naissance et de son rayonnement en Europe, de même que la techno, mais il faut aussi rappeler une chose, c'est que la techno comme la house sont toutes les deux des phénomènes qui sont nés aux États-Unis. La techno c'est né à Détroit, et c'est pour ça que ça a ce côté industriel peut-être un petit peu plus dur, parce que c'était au moment de la crise automobile des années fin des années 80. Et la house music, elle est née à Chicago et ensuite elle a migré à New York. Beaucoup d'artistes en tous les cas qui posaient leur voix sur les premiers anthems de house music venaient du gospel, d'où ces voix absolument incroyables. Je trouvais que c'était intéressant de faire partager ce morceau avec le public de Fréquence Protestante. C'était un très bon choix, bravo vraiment. Et puis c'est vrai que l'histoire la musique électronique a une histoire vraiment passionnante et riche, très riche. Et tout comme Radio FG également, on a pu en avoir la preuve par votre biais, Antoine. On était sur Happy Hour juste avant ce morceau, juste avant de parler de l'avenir. Moi, je voudrais juste poser juste une question qui me démange. Moi, je voudrais savoir, une question difficile, est-ce qu'il y a des gens, une personne que vous rêveriez d'interviewer que vous n'avez jamais encore eu? Alors là, c'est... Alors là, Eddie, je vais vous dire, c'est une vraie question balèze, parce que jusque-là, je vous aurais dit Madonna. Mais vraiment, c'est-à-dire, pour moi, c'était le but ultime. C'est-à-dire, pour moi, en 12 000 interviews et 20 saisons, fallait faire Madonna, parce qu'elle est iconique, parce que c'est une artiste qui m'a énormément inspiré. C'est une des premières artistes pop, surtout, à avoir fait de la dance music dans les années 80, Into the Groove, Holidays, Like a Virgin, et surtout d'avoir fait appel aux plus grands producteurs de house music très très vite, Mirwais avec Music, Martin Solveig, Benny Benassi et William Orbit. Et là, c'est vrai que je me suis après posé une question quand on a fait, parce que la même semaine, il se trouve qu'on avait lancé plein de billes, on s'est dit bon, pour la 12 000e, on est obligé d'avoir quand même beaucoup d'artistes. Donc la même semaine, on s'est retrouvé avec Kylie Minogue et Madonna sur l'antenne d'FG à quelques jours d'intervalle. Et après, je me suis vraiment dit, en fait, FG, on doit pas être dans le rêve d'interviewer une artiste comme ça. Maintenant que le rêve est accompli, bah, l'objectif doit prendre le dessus, et ça doit être toujours de faire de belles rencontres, pas forcément avec des personnalités connues, mais au contraire de très belles rencontres avec des jeunes talents, avec des artistes qu'on soutient, avec des passionnés, avec des artistes qui ont vraiment des choses à dire. Et c'est pour ça que le lendemain de l'interview de Madonna, par exemple, typiquement, j'ai voulu que ce soit le jeune talent qu'on avait révélé sur cette saison. En l'occurrence, c'était Purple Disco Machine. C'était important pour moi de replacer cette émission sur ses fondamentaux. C'est la découverte. Mmh. Donc en fait, moi, mon rêve, c'est tout simplement de continuer longtemps à faire ce travail d'incubateur. Savourer l'instant présent. Mmh, exactement. Et on va passer du présent au futur, puisque la radio est en constante évolution. Alors je suppose qu'en tant que patron de radio, vous avez un regard très attentif sur le sujet. Ah bah évidemment, le DAB+, l'avenir du streaming. Moi, je pense qu'en tous les cas, je vais un peu enfoncer une porte ouverte en disant ça, mais je pense que le média radio, excusez-moi pour cette petite extinction de voix, le média radio va connaître plus de mutations en 5 ans qu'il n'en a connu en 40 ans. Dans les années qui viennent, le DAB va évidemment y concourir. Donc pour nous, c'est un sujet extrêmement intéressant qu'on suit très très près. Ouais. Et alors justement, le DAB+, c'est en plein développement. Quel est votre point de vue sur la radio numérique? Alors, la radio numérique, ce n'est pas que le DAB. Le DAB, c'est un des vecteurs, on va dire, un des supports de la radio numérique. C'est-à-dire, c'est tout simplement celui de permettre à chaque ville, chaque zone, d'avoir à peu près 50 à 70 radios disponibles dans leur zone. Donc ça, c'est un point extrêmement fort, puisque aujourd'hui, il y a une grande disparité de l'offre radiophonique entre des villes comme Paris, par exemple, où il y a 50 50 radios, et puis des villes pas loin où au contraire le paysage va être très resserré à une trentaine seulement, peut-être une vingtaine de radios. Donc ça va déjà permettre une certaine égalité du paysage. Pour des stations comme FG, ça va permettre d'être dans les 50 premières villes de France. Aujourd'hui on est un très beau réseau, le CSA nous a fait confiance, nous a donné un certain nombre de villes clés pour justement permettre à FG d'être un réseau multiville. Mais bien entendu, aujourd'hui on n'est pas à Lyon, on n'est pas à Bordeaux, on n'est pas à Lille, donc c'est important. Mais ça va venir. Mais grâce au DAB, oui, on l'est déjà. Oui. Et alors, à Paris, il y a une implication plus forte de FG sur le DAB+. Hein, je parle de FG Chic, qui est une excellente playlist, en passant. Moi, je voulais savoir pourquoi le choix de FG Chic en particulier sur le DAB. Ben, en fait, Paris, l'approche du DAB pour FG, elle était particulière. Je pense que chaque radio a eu sa vision. Nous, la nôtre, déjà, c'est de dire que FG est un format qui est quand même relativement un format de grande ville. Donc, on a pris le parti justement de candidater dans les 50 première ville, mais pas forcément de manière nationale, parce que je pense que je sais pas si la radio aurait trouvé son public, et on a préféré justement miser à Paris sur le fait de se dire bah historiquement c'est quand même notre bassin. Aujourd'hui l'électro c'est un mouvement qui a besoin de plus qu'un média pour s'exprimer. En l'occurrence, trois radios, c'est quand même mieux que deux. C'est quand même mieux qu'une. Et deux radios complémentaires. Eh bien, en l'occurrence, FG Chic, qui nous permet de jouer vraiment un son lounge, très agréable à écouter, très rooftop, très doux. Et on relance Maximum. Donc ça, ce sera pour le printemps 2020. Alors, justement, voilà. Maximum, je sais que c'était dans les annonces du CSA l'été dernier. Ça a suscité beaucoup de curiosité. Alors moi, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ou est-ce que c'est trop tôt? Alors, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, et je peux vous dire que c'est des scoops parce que je ne l'ai même pas encore dit sur FG. Donc oui, Maximum sera relancé en DAB à Paris. Ça sera une radio pointue. Ça sera pas une radio. Ce sera pas une radio qui, comment dirais-je, un revival. Sera fera un revival des 90s. Non, pas du tout. Ce sera une radio qui se vivra avec son époque. Maximum, c'est une radio qui, comme je le disais tout à l'heure, n'aurait jamais dû s'arrêter aussitôt. Elle a été arrêtée au bout de 2 ans et 2 mois. Aujourd'hui, il y a un vivier extraordinaire en matière de techno et de house, de nouveaux talents. Et Paris mérite une radio aujourd'hui qui, sans réserve, avec beaucoup de passion, puisse programmer en tous les cas tous ces artistes. Donc Maximum, ce sera vraiment une radio extrêmement innovante, mais qui vivra aussi avec son histoire, c'est-à-dire qu'on fera revivre les grands classiques de l'époque des 90s. Ça c'est certain, il n'y aura pas que de la nouveauté sur Maximum, et ça sera une radio up-tempo, elle sera vraiment dédiée au son house, techno et tech house. Avec des animateurs comme à l'époque, ou est-ce qu'on sera sur un flux musical dans un premier temps? Alors ça, tous ces points-là pour l'instant ça reste un petit peu tôt encore pour y répondre. Ce qui est certain c'est qu'il y aura beaucoup de DJ qui seront dessus. Ce qui est certain également c'est que il faudra vraiment vraiment toute la réflexion qu'on a eue c'est vraiment de se dire si Maximum existait encore aujourd'hui, qui toucherait-elle et que serait-elle? Ben, moi, je pense qu'il faut que ça reste une radio jeune. Et ça, c'est pour ça qu'on veut vraiment jouer sur l'axe de la nouveauté et qu'elle s'adresse vraiment au public des clubbeurs. Et alors, juste rapidement, juste pour finir sur le sujet, Maximum DAB+ à Paris et ailleurs plus tard? Pareil, ce sont les points sur lesquels, pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt pour y répondre. L'idée, déjà, c'est de dire qu'une capitale comme Paris mérite trois radios consacrées à l'électro, une FG qui soit vraiment dédiée à la house, à la French Touch, à la découverte, justement, des nouveaux talents, une radio plus pointue, plus up-tempo comme Maximum, et puis un son, je dirais, un peu plus sound design, un peu plus le son des rooftops avec FG Chic. Un bon scoop dans la mécanique des ondes, signé Antoine Baduel, président de Radio FG, qui partage sa passion de la radio avec nous, et c'est un grand plaisir de vous avoir. On va passer maintenant aux questions, avec la question capsule posée par Antoine Blin, c'était dans la précédente émission, on l'écoute. Bonjour Antoine, c'est Antoine. Alors aujourd'hui je suis à Inter, mais avant j'ai passé des années à Nova, et je pense que les problématiques que peuvent avoir une radio comme FG ou Nova sont proches. Et la vraie problématique d'aujourd'hui, c'est comment continuer à exister face aux playlists Spotify et Deezer, pour citer ces deux acteurs principaux. Comment la radio, qui passe de la pub, peut être encore une attraction pour les amateurs de musique que cible FG? Bah, c'est une très bonne question parce que c'est évidemment celle qu'on se pose en permanence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la force que des radios comme FG, comme Nova, mais on peut aussi citer des radios comme OuiFM, Latina, c'est-à-dire toutes ces thématiques qui sont nées à Paris et qui sont aujourd'hui devenues des radios multivilles, évidemment, aujourd'hui, on a un défi, celui du streaming, celui de la musique à la demande. Mais moi, je pense deux choses. Je pense que déjà, on ne doit pas avoir peur d'être présent sur ces plateformes. Nous, FG, je pense qu'on a été les premiers à oser faire des playlists FG sur Spotify, alors qu'à l'époque, pour l'ensemble de l'industrie radiophonique, c'était le diable. Quand je dis Spotify, les streamers, hein, d'une manière générale, et c'était très, mais on nous disait, mais vous êtes fous de faire ça. Mais non, je pense pas. Je pense qu'il faut pas avoir peur. Il faut faire ses playlists, proposer son petit écosystème. Et puis à côté de ça, il faut se dire que l'avantage des radios, c'est que on est gratuit et surtout on reste des prescripteurs par rapport aux streamers qui eux proposent des playlists qui sont toujours très algorithmiques, donc ils sont quand même dans un cadre très homogène dans le style qu'on va avoir au niveau de la playlist. C'est vrai que nous, le parti pris, bah il est celui-là, il est de proposer toujours de la découverte, et on, je pense que nos marques du coup sont très fortes et très référentes pour la découverte musicale. Alors, il ne reste plus que deux minutes. On va faire très vite avec le questionnaire. Vous êtes prêt, Antoine? Allez, on y va. Alors, une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle? Ah, une personnalité de radio qui pourrait être mon modèle. Je rendrai hommage à Fred Rister parce que, justement, je pense que il nous a quittés cette année et c'est lui qui avait ouvert et fermé Maximum et s'en est un. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Ah, le radio Maximum. Quelle radio vous réveille le matin? Je vais vous étonner. France Info. Quelle radio vous endort le soir? FG. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? La voiture. Et un endroit où vous n'écoutez jamais? Il n'y en a pas. Votre meilleur souvenir de radio? Mon meilleur souvenir de radio, il y en a vraiment, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là, je pense que c'est très, très compliqué. Je pense qu'il y en a un. J'interviewe un jour, j'avais une émission spéciale, j'avais Rihanna et Bob Sinclair, dans le même jour. Et je me dis, pourquoi faire Rihanna pendant une heure et Bob Sinclair après? Et je me dis, je vais les prendre ensemble, ça va être rigolo. Et c'est de là qu'est né le remix de Bob Sinclair du single SOS de Rihanna. Et ça a été... Ah oui. Parce que je lui ai dit, mais pourquoi tu remixes pas Rihanna? Parce que quand même, bon, voilà, c'est comme ça que c'est né. Alors, on saute le pire souvenir, on va juste finir avec un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio. Croire en soi et toujours écouter vraiment sa passion, parce que la radio, je pense que c'est le média qui est le qui vraiment exige quand même un vrai don de soi. Il faut vraiment le faire avec beaucoup de passion. Ce sera le mot de la fin. Antoine Maduel, merci d'être venu dans la mécanique des ondes. Avec grand plaisir, merci pour votre accueil.